bienvenue dans ce nouveau MAC sur Radioactive, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on l'enregistre directement depuis La Charpente, lieu de création artistique à Amboise, devenu un vrai repère d'artistes en tout genre. Et si vous aimez le cinéma, la créativité spontanée, les rencontres humaines et les projets qui sortent du cadre, vous allez adorer ce qui suit. Notre invitée, enfin c'est plutôt elle qui nous ouvre sa porte aujourd'hui, Nanou, Anne-Laurence Badin, fondatrice de ce lieu inspirant, nous accueille pour nous parler d'un événement très attendu cet été, le Kino. Alors le Kino, c'est un concept né à Montréal qui a fait le tour du monde, des courts-métrages tournés en quelques jours sans compétition, juste pour le plaisir de faire ensemble. Ici à La Charpente, deux sessions auront lieu fin juillet et début août, ouvertes à toutes et à tous, quel que soit l'âge ou l'expérience. Alors la devise des Kinoïtes, comme nous l'a exprimé Nanou dans le petit communiqué de presse qu'elle nous a fait suivre, faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. Alors bonjour Nanou. Bonjour. Merci de nous accueillir à La Charpente. Qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer un kino à Amboise ? Alors, ce principe de faire participer des gens professionnels et amateurs, c'est un principe qu'on a déjà testé avec Pièces Jointes, pour ceux qui étaient là à cet événement, sur 3 éditions, mais qui était plutôt dédié au théâtre, en fait. Et là, on a décidé d'ouvrir un peu le lieu à l'audiovisuel, à l'image. Et on a un ami qui fait partie de l'association qui fait des kinos tous les étés et qui nous a parlé de ce projet incroyable. Et on s'est dit, mais c'est exactement ce qu'on adore, participer, faire participer les gens, ouvrir le lieu à des activités voilà, qui mélangent tous les petits, les grands, les pros, les pas pros, et voilà. Donc c'est ça la philosophie du kino, c'est ouvert à tous, qu'on soit débutant ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais tenu une caméra de sa vie, mais qui a envie d'essayer, peut venir participer à ce kino. Absolument, c'est le principe de ce projet, c'est-à-dire qu'on partage les compétences. Les professionnels qui participeront aussi à ce projet seront là pour vous aider, pour vous encadrer, pour tester des choses avec vous, pour vous proposer de tenir la caméra, de tenir le micro, voilà, de faire du cadrage, voire du montage, la post-production comme on dit. Voilà, vous aurez un petit panel de les différents postes pour faire un court-métrage. Alors, les deux sessions à La Charpente, tu peux nous rappeler les dates et nous expliquer comment ça va se dérouler ? Alors, il y a deux sessions. Il y a une session de 2 jours, donc le 29 et le 30 juillet, et une session de 3 jours, donc à partir du 31, 1er et 2 août. Donc, il y a la première session où il y aura une image imposée. Et la deuxième session, ce sera un thème imposé, parce que quand même, il faut que ce soit un petit peu rigolo. Voilà. Et à la veille de ces sessions, il y aura une petite réunion d'information, voilà, pour tous ceux qui se seront inscrits en temps et en heure, voilà, pour expliquer bien tout le déroulement, s'il y a des questions, tout ça, pour que tout soit clair et facile pour tout le monde. Alors, en temps et en heure, ça veut dire quoi ? Là, aujourd'hui, on se rencontre à La Charpente, nous sommes le mardi 27 mai. On a jusqu'à quand pour s'inscrire ? Alors, le principe des inscriptions. Donc là, normalement, le 30 mai, non, vous avez jusqu'au 30 mai, donc quand même, c'est dans pas longtemps, pour vous préinscrire, faire une préinscription sur le site de La Charpente, donc assolacharpente.fr. Il y a un onglet dédié à ce projet où vous aurez toutes les informations, tous les détails et un lien pour vous inscrire donc, sur un formulaire de préinscription. Donc ça, c'est jusqu'au 30 mai. Suite à ces préinscriptions, nous on regarde s'il y a suffisamment de réalisateurs, de cadreurs, de comédiens, de danseurs, de musiciens, enfin voilà, tout ce qui fait une belle équipe pour faire le petit court-métrage. Et s'il n'y a pas assez de comédiens ou pas assez de techniciens, on relancera une inscription, voilà, et puis de toute façon, on vous confirmera, donc après le 30 mai, si vous êtes partie prenante ou pas du truc, en fonction évidemment du nombre d'inscrits, si vous avez dépassé le nombre d'inscrits, en fonction de la date où vous aurez envoyé votre formulaire, vous serez peut-être calé. Alors, tu as parlé de plein de disciplines là dans le champ du cinéma. Ça veut dire qu'on doit déjà savoir vers quoi on a envie d'aller, si on a plutôt envie d'être maquilleuse ou plutôt envie d'être comédienne. Alors, par exemple, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est soit par rapport à vos compétences, soit c'est par rapport à votre envie. Si vous avez envie de développer une compétence ou de la partager avec les gens, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais sur un court-métrage que vous allez faire, peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, oh, mais j'aurais essayé de faire du son. Là, le jouer, c'est sympa, faire un peu de texte, tout ça, c'est chouette, mais j'aimerais bien faire du son. Eh bien, pourquoi pas? À ce moment-là, sur la préinscription, vous pouvez cocher un autre envie. Et à ce moment-là, en fonction des besoins sur les courts-métrages, bah, vous pourrez faire peut-être du son, peut-être du jeu, bah, voilà, en fonction des endroits où vous serez inscrit. Et alors, ça me coûte combien si je m'inscris au Kino ? Alors, la première session, c'est 25 € et la deuxième session, c'est 35 €. Mais vous pouvez vous inscrire aux deux, si vraiment là, vous avez du temps, vous êtes fou furieux de l'image, voilà. Du coup, les deux sessions, c'est 55 €. La Charpente organise les repas du midi et du soir. Donc, ce sera pareil sur inscription, sur demande. Et les repas, on est en train de faire les petits budgets, voilà, là, là. Ça va être entre 5 et 7 € les repas. Ok, donc autant dire que la somme est assez modique pour acquérir plein de compétences sur 2 jours, parce qu'on imagine que ça ne va pas chômer. Est-ce qu'il faut venir avec son matériel? Si par exemple, moi j'aime faire de la prise d'image, je viens avec ma caméra ou pas? Alors là c'est pareil, ça sera à indiquer sur la préinscription. Donc si vous avez du matériel, bah, volontiers, vous pouvez l'amener, pas de souci. On vous demandera aussi si vous voulez bien le prêter, si d'autres équipes en ont besoin ou pas. Là, c'est au libre choix de chacun, parce qu'on sait tous que c'est du matériel un peu cher et précieux. Donc voilà, mais pas de souci si vous voulez l'emmener. En tout cas, nous, de toute façon, assurance évidemment de l'association La Charpente, il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'aboutissement de tout ça se fera le 2 août avec une soirée de projection qui s'annonce festive. Alors, à quoi le public doit-il s'attendre? Eh ben, vous doutez bien que les courts-métrages qui vont être proposés, comme c'est les idées des uns des autres, bon, certes, il va y avoir une image imposée et un thème pour la deuxième session, mais n'empêche qu'il va y avoir des idées de toutes sortes. Donc, je pense que ça va être une soirée assez mémorable dans les histoires racontées. Et évidemment, autour de ça, on va faire une petite animation sympa avec de la musique, DJ. Et puis, il y a une petite surprise que je ne révélerai pas là maintenant au micro. Bon, bah, on va pas insister. Si je participe pas au Kino, je peux quand même y venir à cette soirée de projection? Absolument, au contraire, ce sera ouvert à tout le monde, au public, pas de souci, bien sûr. Et puis, bah, ceux qui ont participé, même si c'est que la première session, enfin voilà, tout le monde est invité à cette soirée. Voilà, les habitants du Val d'Amboise, tout le monde est bienvenu. Eh ben, écoute, il nous reste plus que les infos pratiques. Où est-ce qu'on te trouve? Comment on te contacte et comment on s'inscrit? Alors donc, pour les inscriptions et les différents renseignements que vous auriez besoin, ça va être sur le site de La Charpente. Donc c'est asso.lacharpente.fr. Et là, vous avez toutes les infos, le petit lien pour vous préinscrire. Et voilà, tout est là. Et sinon, il y a un mail aussi, si vous voulez des petits renseignements à part. C'est evenement.lacharpente@gmail.com. Eh ben super, Nanou, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors du cinéma participatif, libre, joyeux, créatif, voilà tout ce qui composera le Kino à La Charpente. Et vous l'entendez, déjà ça répète derrière nous. Donc rendez-vous dès le 28 juillet pour le top départ et jusqu'au 2 août pour découvrir toutes les pépites tournées en express ici même sur le Val d'Amboise. Merci beaucoup Nanou pour ton accueil chaleureux, comme toujours. Et puis, venez vivre l'expérience Kino. Vive l'image. Vive l'image. C'est tout pour le Mac d'aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h pour un nouveau numéro.